On va parler de la Ligue du Lac aux Fleuves. Grosse nouvelle concernant le MJR Express de Jonquière la semaine passée. On va en parler avec notre ami Mathieu Caron. Salut Mathieu. Salut Danny. Grosse nouvelle, mais à bien y penser, ça a bien du sens. Ben, c'est sûr que, comme dans le processus, comment ça s'est passé, c'est que je sais que Bob, il m'en avait parlé pour une couple de semaines à savoir si c'était une bonne idée de pouvoir transférer son club à la baie. Ça commençait à être rodé. Il devait commencer par faire juste un match ou deux, juste pour être tenté un peu de terrain. Finalement, lors du bureau du gouverneur, il y a à peu près deux semaines, là, il a demandé l'autorisation aux autres gouverneurs de pouvoir procéder au transfert de toute son équipe là à la baie. Donc, le bureau du gouverneur a accepté. On va se dire que des foules étaient quand même... Tu sais, les derniers matchs, là, c'était quand même intéressant, mais c'est pas vraiment le nombre de spectateurs souhaités. Et en plus, il y avait aussi le côté de la ristourne de bière que malheureusement, le MJR Express n'était pas capable d'avoir au foyer des loisirs. Donc, c'est pour ça que l'idée de l'AB était vraiment autorisée par tous les gouverneurs. Et là, c'est là que ça l'est rendu là. Dans les petites villes comme ça, comme Dolbeau, après ça, Forestville, même Clermont, ça va marcher. Mais à Jonquière, on va se compter, et même l'abbé, j'ai bien confiance à l'abbé, mais on va se compter l'histoire. Il jouait contre les Marquis, il était contre les Saguenayens. C'est dur là, se démarquer comme les élites aussi. C'est dur de se démarquer contre tout ça. Là. C'est sûr que si on regarde comme on regarde Saguenay, puis on compare, tu sais, on prend que Jonquière, ils ont les Marquis, Chicoutimi avait des Saguenayens, mais la B, eux, n'avaient pas vraiment le hockey en tant que tel, ils avaient le hockey mineur et les ligues de garage. Mm. Fait que c'est pour ça que l'idée vraiment de déménager à la B, c'est vraiment très bon. Moi, je pense que connaissant le secteur de la B, puis avec la réputation que ça a aussi avec le temps, dans le temps, donc je pense que les foules vont être beaucoup plus intéressantes. Ça va être, tu sais, on va pouvoir offrir du bon hockey là, pour ce secteur-là qui est malheureusement un peu dépourvu de bon hockey. Là, OK. Donc, ça commence en fin de semaine, c'est ça? En fin de semaine, l'équipe de Dolbeau visite la MGR de Saguenay. Maintenant, puis le champion qui déménage, c'est rendu maintenant la MGR de Saguenay. Donc, ça va être le premier match officiel là-bas. Il se peut avoir une ouverture officielle, si on veut bien dire, là, qui va y avoir lieu là. Ça va être ça. Donc, je pense que tout le monde a bien hâte de voir ce premier match-là à Jonquière. OK. Dis-moi, pour la Ligue, ça signifie quoi? Parce que c'était une possibilité d'expansion. À un moment donné, on avait parlé au premier balbutiement de la Ligue, on avait parlé d'une équipe à la baie. Est-ce que ça vient vous enlever probablement une ville pour une possibilité d'expansion? Comme j'ai dit à maintes reprises à ce sujet-là, c'est qu'à Saguenay, malheureusement, on ne pourra pas avoir deux clubs seniors. C'est à cause... Si on aurait deux clubs seniors dans Saint-Denis, ben ça va venir diluer un peu le niveau de jeu. Donc, ça serait vraiment difficile. Présentement, le territoire de la baie appartient à Haute-Côte-Nord, mais ça ne change rien à ce niveau-là. La baie conserve quand même ce territoire-là, même si le MGR va jouer à la baie. Donc, ça ne change pas vraiment grand-chose. Je vous dis, l'expansion, c'est vraiment à l'extérieur, probablement de la région, si on vient d'avoir une. Mm. Mais comme je te l'ai dit la semaine passée, je crois bien que c'est Alma, on pense même pas avoir une expansion là parce que tu sais, il y a trop de joueurs qui sont déjà des équipes. Donc là, c'est qu'est-ce qu'on ferait avec ça? Ce serait vraiment compliqué là. Puis Alma a déjà beaucoup de hockey dans ce secteur-là. Mm. Fait que c'est pour ça que vraiment la notion d'une expansion, ça va être vraiment à l'extérieur de la région. OK. Donc par la suite, qu'est-ce qui se passe en fin de semaine? Il y a deux autres matchs. Ah. Je dis que nos multiconsénaires, c'est long à revenir, hein? C'est toute une absence. Quand on regarde ça, là. C'est sûr que le calendrier, on se cachera pas, là, malheureusement. C'est pas notre meilleur calendrier. Non. Je le dis ouvertement parce que je sais, je l'entends souvent. C'est sûr que là, ça va venir à changer un petit peu. Là. Ben, les games vont avoir un peu plus, vont être moins courtés là, à les prochaines semaines, puis après les fêtes. Mais c'est sûr que on nous dit on apprend un peu là-dessus, puis l'année prochaine, on va pouvoir faire en sorte qu'il y ait un meilleur calendrier. Ben, c'est ça que je parlais. Là, c'était ma prochaine question, mais là, tu viens de me devancer. Est-ce que l'an prochain, j'espère qu'on va éviter la situation pour pas que ça se reproduise? Là. Oui, effectivement, là, on a déjà nos plans déjà pour à ce niveau-là. OK. Bon, faut que je te quitte, faut que je m'en aille à la radio. Mathieu, on se reparle la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème. Mathieu Garon, le commissaire de la Ligue du Lac-Ouf.